Ouais, ouais, gros. J'ai pris ma fille. Orly Mista. Ouais, gros. J'ai tellement grandi avec peu de choses, comme dirait mon pote Karim. Quand je prends le micro, c'est tout un quartier que j'anime. Demande à mon cousin Salim combien de bédos on s'allume. Salut, mec, c'est le retour de Mista. Coupé du monde, 26 mois de garde plat. Putain, c'est trop mal. J'ai les chromal. On dit que j'ai grossi, je dirais endurci. Mon dossier mis en sursis. La moindre erreur, c'est bois d'Arcy. Fais péter le son, mec. Si je serais riche, je serais Bill Gates. Imagine la somme. On ferait tous 200 kilos tellement on consomme. Pour moi, c'est BLF, c'est article, album. Pas de comédie, je reviens en force comme Ali. Combien de jaloux vont parler sur nous? Restez entre vous, évitez de parler aux zoulous. Tu peux pas comprendre la rage qu'il y a à l'intérieur. Depuis l'extérieur, je dis que ça pour mes frères et mes sœurs. J'ai le cœur qui bat fort pour l'Afrique, les Comores. Je donne ça sans effort. T'as vu Mani? C'est Mista Flow, mec. Pour tous les poulets, personne qui m'arrête. Sur la planète, y'a danger. Les vont se ranger. C'est Mista Flow, mec. Pour tous les poulets, personne qui m'arrête. Sur la planète, y'a danger. Les vont se ranger. C'est Mista Flow, mec. Pour tous les poulets, personne qui m'arrête. Sur la planète, y'a danger. Vont se ranger. J'étais dans un moment d'inconscience, comme un môme à sa naissance. Entre violence et souffrance, le crime a deux sens. Ma voix porte, c'est du boucan. Comme les flics à ta porte, t'assises du mat, te mettre les menottes. J'parle en connaissance de cause, même si t'es pas mon pote, prends note. J'suis un maître de la old school, les choses ont changé. Certains de la new school veulent déranger. Man reste cool, t'arrives en plein milieu du film. La partie la plus intime, 113, triple disque d'or. Mista sort, mais la S y'a l'armou, le quartier est mort. Y'a pas que toi qui en a marre, y'a pas que toi qui mort. Mafia Capri Jaune Nord, un rock, vive les Comores. J'traîne la nuit quand tu dors, car la nuit je ne dors plus. Demande à Dra et Démon pourquoi le sommeil on trouve plus. En tout cas la prison, l'armée m'ont pas eu. Ni l'alcool, ni la drogue, les femmes non plus. On opte pour un meilleur avenir, on laissera personne détruire ce qu'on a mis 10 ans à construire. Paré au pire, et si ça te fait rire, moi aussi gros. Mista FLO, devant d'enfant. C'est Mista Flow, mec. Les foulets, personne qui m'arrête. Sur toute la planète, y'a danger. Vont se ranger. C'est Mista Flow, mec. Tous les foulets, personne qui m'arrête. Sur toute la planète, y'a danger. Vont se ranger. C'est Mista Flow, mec. Tous les foulets, personne qui m'arrête. Sur toute la planète, y'a danger. Vont se ranger. Mista Flow, mec. Tous les foulets, personne qui l'arrête. Sur la planète, y'a danger. Vont se ranger. Les poulets, personne qui l'arrête. Toute la planète est déjà. Les bâtis gros, faut se ranger.